3. Le poète de cour. Rien ne serait prouvé mieux que l'histoire de Spifame, combien est vraie la peinture de ce caractère, si fameux en Espagne, d'un homme fou par un seul endroit du cerveau et fort sensé quant au reste de sa logique. On voit bien qu'il avait conscience de lui-même, contrairement aux insensés vulgaires, qui s'oublient et demeurent constamment certains d'être les personnages de leur invention. Spifame, devant un miroir ou dans le sommeil, se retrouvait et se jugeait à part, changeant de rôle et d'individualité tour à tour, être double et distinct pourtant, comme il arrive souvent, qu'on se sente exister en rêve. Du reste, comme nous disions tout à l'heure, l'aventure du miroir avait été suivie d'une crise très forte, après laquelle le malade avait gardé une humeur mélancolique et rêveuse, qui fit songer à lui donner une société. On amena dans sa chambre un petit homme demi-chauve, à l'œil vert, qui se croyait, lui, le roi des poètes, et dont la folie était surtout de déchirer tout papier ou parchemin non écrit de sa main, parce qu'il croyait y voir les productions rivales des mauvais poètes du temps, qui lui avaient volé les bonnes grâces du roi Henri et de la cour. On trouva plaisant d'accoupler ces deux folies originales et de voir le résultat d'une pareille entrevue. Ce personnage s'appelait Claude Vignet et prenait le titre de poète royal. C'était du reste un homme fort doux, dont les vers étaient assez bien tournés et méritait peut-être la place qu'il leur assignait dans sa pensée. En entrant dans la chambre de Spifame, Claude Vignet fut terrassé, les cheveux hérissés, la prunelle fixe. Il n'avait fait un pas en avant que pour tomber à genoux. « Sa Majesté !» s'écria-t-il. « Relevez-vous, mon ami, » dit Spifame, en se drapant dans son pourpoint, dont il n'avait passé qu'une manche. « Qui êtes-vous ? Méconnaîtriez-vous le plus humble de vos sujets et le plus grand de vos poètes, ô grand roi ? Je suis Claudius Vignetus, l'un de la Pléiade, l'auteur illustre du sonnet qui s'adresse aux vagues crespelées. Sire, vengez-moi d'un traître, du bourreau de mon honneur, de Mélin de Saint-Gelais. Et quoi, de mon poète favori, du gardien de ma bibliothèque? Il m'a volé, sire, il m'a volé mon sonnet. Il a surpris vos bontés. Est-ce vraiment un plagiaire? Alors je veux donner sa place à mon brave Spifame, de présent en voyage pour les intérêts du royaume. Donnez-la plutôt à moi, sire, et je porterai votre renom de l'Orient au Ponant, sur toute la surface terrienne. Ô sire, que ton los mes rimes éternise. Vous aurez 1000 écus de pension et mon vieux pourpoint, car le vôtre est bien décousu. Sire, je vois bien que vous avez jusqu'ici caché mes sonnets et mes épîtres, tous à vous adresser. Ainsi arrive-t-il dans les cours, ce séjour odieux des fourbes nuageuses. Mais sire Claudius Vignetus, vous ne me quitterez plus, vous serez mon ministre, et vous mettrez en vers mes arrêts et mes ordonnances. C'est le moyen d'en éterniser la mémoire. Et maintenant, voici l'heure où notre amie Diane vient à nous. Vous comprenez qu'il convient de nous laisser seuls. » Et Spifame, après avoir congédié le poète, s'endormit dans sa chaise longue, comme il avait coutume de le faire une heure après le repas. Au bout de peu de jours, les deux fous étaient devenus inséparables, chacun comprenant et caressant la pensée de l'autre, et sans jamais se contrarier dans leurs mutuelles attributions. Pour l'un, ce poète était la louange qui se multiplie sous toutes les formes alentour des rois, et les confirme dans leur opinion de supériorité. Pour l'autre, cette ressemblance incroyable était la certitude de la présence du roi lui-même. Il n'y avait plus de prison, mais un palais. Plus de haillons, mais des parures étincelantes. L'ordinaire des repas se transformait en banquet splendide, où parmi les concerts de viol et de buccine, montait l'encens harmonieux des vers. Spifame, après ses rêveries, était communicatif, et Vignet se montrait surtout enthousiaste après le dîner. Le monarque raconta un jour au poète tout ce qu'il avait eu à endurer de la part des écoliers, ses turbulents aboyeurs, et lui développa ses plans de guerre contre l'Espagne. Mais sa plus vive sollicitude se portait, comme on le verra ci-après, sur l'organisation et l'embellissement de la ville principale du royaume, dont les toits innombrables se déroulaient au loin sous les fenêtres des prisonniers. Vignet avait des moments lucides, pendant lesquels il distinguait fort clairement le bruit des barreaux de fer entrechoqués, des cadenas et des verrous. Cela le conduisit à penser qu'on enfermait Sa Majesté de temps en temps, et il communiqua cette observation judicieuse à Spifame, qui répondit mystérieusement que ses ministres jouaient gros jeu, qu'ils devinaient tous leurs complots, et qu'au retour du chancelier Spifame, les choses changeraient d'allure, qu'avec l'aide de Raoul Spifame et de Claude Vignet, ses seuls amis, le roi de France sortirait d'esclavage et renouvellerait l'âge d'or chanté par les poètes. Sur quoi Claudius Vignetus fit un quatrain qui l'offrit au roi comme une avance de bénédiction et de gloire. Par toi vient la chaleur aux verdissantes prés, vient la vie au troupeau, à l'oiseau ramageux. Tu es donc le soleil pour les coteaux neigeux, transmué en moissons et collines pamprées. La délivrance se faisant attendre beaucoup, Spipham crut devoir avertir son peuple de la captivité, où le tenaient des conseillers perfides. Il composa une proclamation, mandant à ses sujets loyaux qu'ils eussent à s'émouvoir en sa faveur, et lança en même temps plusieurs édits par ordonnance fort sévères. Ici, le mot « lança » est fort exact, car c'était par sa fenêtre, entre les barreaux, qu'il jetait ses chartes, roulées et lestées de petites pierres. Malheureusement, les unes tombaient sur un toit à port, d'autres se perdaient dans l'herbe, drue d'un préau désert, situé au-dessous de sa fenêtre. Une ou deux seulement, après 1000 jeux en l'air, s'allèrent perchés comme des oiseaux dans le feuillage d'un tilleul, situé au-delà des murs. Personne ne les remarqua d'ailleurs. Voyant le peu d'effet de tant de manifestations publiques, Claude Vignet imagina qu'elles n'inspiraient pas de confiance, étant simplement manuscrites, et s'occupa de fonder une imprimerie royale qui servirait tour à tour à la reproduction des édits du roi et à celle de ses propres poésies. Vu le peu de moyens dont il pouvait disposer, son invention dut remonter aux éléments premiers de l'art typographique. Il parvint à tailler avec une patience infinie 25 lettres de bois, dont il se servit pour marquer lettre à lettre les ordonnances rendues fort courtes à dessein, l'huile et la fumée de sa lampe lui fournissant l'encre nécessaire. Dès lors, les bulletins officiels se multiplièrent sous une forme beaucoup plus satisfaisante. Plusieurs de ces pièces, conservées et réimprimées plusieurs fois depuis, sont fort curieuses, notamment celles qui déclarent que le roi Henri II, en son conseil, oui les clameurs pitoyables des bonnes gens de son royaume contre les perfidies et injustices de Paul et Jean Spipham, tous deux frères du fidèle sujet de ce nom, les condamnaient à être tenaillés, écorchés et bouillus. Quant à la fille ingrate de Raoul Spipham, elle devait être fouettée en plein pilori et enfermée ensuite aux filles repenties. L'une des ordonnances les plus mémorables qui ait été conservée de cette période est celle où Spipham, gardant rancune du premier arrêt des juges qui lui avait défendu l'entrée de la salle des pas perdus pour y avoir péroré de façon imprudente et exorbitante, ordonne de par le roi à tous les huissiers, gardes ou tupaubes judiciaires, de laisser librement pénétrer dans la dite salle son ami et féal Raoul Spipham, défendant à tous avocats, plaideurs, passants et autres canailles, de gêner en rien les mouvements de son éloquence ou les agréments non pareils de sa conversation familière, touchant toutes les matières politiques et autres sur lesquelles il lui plairait de dire son avis. Ces autres édits, arrêts et ordonnances, conservés jusqu'à nous, comme rendus au nom d'Henri II, traitent de la justice, des finances, de la guerre, et surtout de la police intérieure de Paris. Vignet imprima en outre pour son compte plusieurs épigrammes contre ses rivaux en poésie et dont il s'était fait donner déjà les places, bénéfices et pensions. Il faut dire que ne voyant guère qu'eux seuls au monde, les deux compagnons s'occupaient sans relâche, l'un à demander des faveurs, l'autre à les prodiguer.